Mark Emdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 21. Explication du mot déguisé. Quels sont les différents aspects de ce déguisement dont l'âme se sert durant cette nuit? Après avoir exposé les motifs pour lesquels l'âme donne à cette contemplation le nom d'escalier secret, il nous reste maintenant à expliquer ce dernier mot déguisé, et à dire pourquoi elle est sortie déguisée par un escalier secret. Dans le sens général du mot, se déguiser, c'est se cacher sous un vêtement que l'on ne porte pas ordinairement, soit pour témoigner de la volonté et du désir que l'on a de gagner, à la faveur de ce changement, les bonnes grâces et l'affection de celui qu'on aime par-dessus tout, soit pour se dérober au regard de ses ennemis et assurer ainsi le succès de son entreprise. Il est donc à propos de choisir de préférence les vêtements qui expriment le mieux les sentiments du cœur, ou qui sont les plus propres à dérouter la surveillance de nos adversaires. L'âme dont nous parlons, blessée de l'amour du Christ son époux, tient la même ligne de conduite, afin d'échapper plus sûrement à la maligne attention de ses ennemis. Le démon, le monde et la chair, la livrée qu'elle prend est de trois couleurs différentes, blanche, verte et rouge, emblème des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ornée de ces vertus, non seulement l'âme gagnera le cœur et les faveurs de son bien-aimé, mais encore elle sera à l'abri des attaques de ses trois adversaires. La foi est une tunique intérieure d'une blancheur si éclatante, qu'elle éblouit la vue de tout entendement. L'âme qui en est revêtue passe inaperçue aux yeux du démon, et n'est pas exposée à ses embûches. Affermie dans la foi, elle est complètement en sûreté contre cet ennemi, le plus fort et le plus astucieux de tous. Aussi Saint-Pierre ne trouve pas de meilleur bouclier que celui-là pour se garantir de ses assauts, quand il dit aux fidèles, « Résistez-lui donc, en demeurant ferme dans la foi, 1 Pierre 5, 9. Il n'est pas non plus de vêtements intérieurs qui disposent mieux l'âme à mériter la grâce de l'union avec son bien-aimé. Ce blanc vêtement de la foi est le principe et le fondement des autres vertus. Sans lui, comme le dit l'apôtre, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Quand la foi est très vive, elle captive d'une façon merveilleuse les regards du divin maître, qui déclare lui-même, par la bouche d'un de ses prophètes, qu'il épousera l'âme dans la foi. Os, il, 20, comme s'il disait, si tu désires, ô âme fidèle, t'unir à moi et m'avoir pour époux, tu dois te revêtir intérieurement de la foi. Cette blanche tunique de la foi enveloppe l'âme à la sortie de la nuit obscure, où elle cheminait, on s'en souvient, au milieu des ténèbres et des angoisses intérieures, toute lumière étant alors refusée à son entendement. Elle ne recevait aucun secours, ni du ciel qui paraissait entièrement fermé pour elle et où Dieu semblait se dérober à ses yeux, ni de la terre, puisque ses directeurs étaient impuissants à la consoler. Cependant elle a soutenu avec constance le feu des tribulations, sans défaillir et sans manquer à son bien-aimé, qui voulait, au moyen de ses peines et de ses souffrances, éprouver la foi de son épouse, afin qu'elle pût appliquer en toute vérité cette parole de David, « C'est la parole de vos lèvres qui m'a soutenu dans ces rues de chemin », Psaume 16, 4. Par-dessus ce blanc vêtement de la foi, l'âme revêt la seconde livrée aux vertes couleurs. C'est le symbole de l'espérance par laquelle l'âme se soustrait à son second ennemi, qui est le monde. Quand une âme a placé en Dieu toute son espérance, elle acquiert une telle force et un tel courage, Elle a un tel élan vers les choses éternelles, que l'univers entier lui apparaît, en comparaison de ce qu'elle espère, ce qu'il est en effet, vide et désert, mort et néant. Elle se dépouille de tous les vains ajustements et des manières du monde, son cœur, dégagé de tout, ne met plus son espoir dans rien de terrestre, mais uniquement dans ce qui est éternel, il plane tellement haut, dessus du monde que non seulement celui-ci ne peut plus l'atteindre ni se l'attacher, mais que ses yeux ne sauraient même plus l'apercevoir, ainsi protégé par la verte livrée de ce déguisement. L'âme est à l'abri des atteintes de son second ennemi qui est le monde, saint Paul appelle l'espérance le casque du salut, 1 Thessaliens 5, 8. Le casque est une armure qui défend la tête, et la couvre si bien qu'il ne laisse passer par la visière que la lumière indispensable pour se conduire. L'espérance a ceci de particulier, qu'elle met à couvert tous les sens, qui sont comme la tête de l'homme, elle les empêche de chercher leur satisfaction dans les choses du monde et les protège contre ses traits. Il n'y a dans ce casque que la visière, qui permet aux yeux de regarder en haut, et pas ailleurs, mes yeux sont toujours élevés vers le Seigneur, psaume 24, 15, dit David, il ne se lève point vers autre chose, dit ailleurs le même prophète, comme les yeux de la servante sont attentifs aux mains de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont fixés vers le Seigneur notre Dieu, et attendent qu'il ait pitié de nous, ibidem, 122, 2. Revêtue de cette verte livrée de l'espérance, l'âme ne trouve de contentement qu'en Dieu seul, elle détourne ses yeux de tout autre objet et les tient toujours attachés sur lui, c'est chose si agréable au bien-aimé qu'elle obtient de lui. On peut le dire en vérité, tout ce qu'elle en étant, vous avez blessé mon cœur d'un seul de vos regards, lui dit-il dans le Cantique des Cantiques, 4, 9. Sans cette parure de l'espérance en Dieu seul, l'âme serait inutilement sortie d'elle-même pour se livrer aux chastes aspirations de l'amour, elle n'eût rien obtenu du Seigneur, car c'est l'opiniâtreté de l'espérance qui le touche et triomphe de lui, cette espérance est aussi le déguisement sous lequel l'âme s'avance dans la nuit secrète et obscure. Où elle marche si dégagée de toute possession et de tout appui terrestre, que Dieu est l'unique objet de ses regards et de ses soins, elle mettrait plutôt sa bouche dans la poussière que de placer ailleurs son espérance, Lamentation, 3, 29. Comme le dit Jérémie, pour compléter ce déguisement, l'âme ajoute à la livrée blanche et verte une splendide robe rouge, symbole de la troisième vertu théologale, la charité, non seulement celle, si donne du relief aux deux couleurs précédentes, c'est-à-dire donne aux vertus que ces couleurs symbolisent toute leur valeur, mais encore elle élève l'âme jusqu'au trône de la divinité, et la rend si resplendissante de charme et de beauté qu'elle ose dire, « Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem, c'est pourquoi le roi m'a aimé et m'a introduit dans sa couche. » Cantique 1, 4. Et Bréviaire Saint Augustin ad laude. Sous cette livrée de la charité, qui est celle de l'amour, l'âme est à couvert des atteintes de son troisième ennemi, c'est-à-dire de la chair, parce que là où réside le véritable amour de Dieu, il n'y a plus de place pour l'amour de soi. En outre, les autres vertus sont affermies par la charité, qui leur donne force et vigueur pour protéger l'âme, comme elle leur donne grâce et beauté pour la rendre agréable aux yeux du bien. Aimé, sans la charité, aucune vertu ne peut plaire à Dieu, c'est elle qui forme cette couche d'or 7 degrés de pourpre, ibidem, 3, 10, dont il est parlé dans les cantiques, et où Dieu aime à se reposer, l'âme est revêtue de cette livrée rouge lorsque, embrasée d'un amour plein d'anxiété, elle sort d'elle-même et de toutes les créatures au milieu des ténèbres, par l'escalier secret de la contemplation qui la conduit à la parfaite union de l'amour divin, où elle trouve le salut désiré. Telles sont les trois couleurs du déguisement porté par l'âme dans cette nuit de la foi, pendant laquelle elle franchit les différents degrés de l'escalier mystique. C'est à leur merveilleuse disposition que l'âme doit de s'unir à Dieu par ces trois puissances, la mémoire, l'entendement et la volonté. La foi aveugle l'entendement et le dépouille de toutes ses connaissances naturelles, pour le disposer à l'union de la sagesse divine. L'espérance fait le vide dans la mémoire en éloignant d'elle toute possession des créatures, puisque, selon saint Paul, l'espérance a pour objet ce qu'on ne possède pas, Romains 8, 24. Elle bannit donc de la mémoire tout ce qu'on peut posséder en ce monde, et la remplit de ce qu'elle espère posséder plus tard, lorsqu'on n'a plus d'espérance qu'en Dieu seul. La mémoire se trouve d'autant mieux préparée à l'union de l'amour qu'elle est plus complètement vide de tout le reste. Il en est de même pour la charité, car elle soustrait la volonté aux affections et aux appétits étrangers. Pour les concentrer en Dieu seul, elle dispose ainsi cette puissance à l'union de l'amour divin. En résumé, ces trois vertus ayant pour fonction spéciale de détourner l'âme de tout ce qui est inférieur à Dieu. On parle là même pour office de préparer son union avec lui. Il est impossible d'arriver à la perfection de l'amour divin sans la triple livrée de ses vertus. Donc, pour atteindre l'objet auquel elle aspire, c'est à dire cette amoureuse et délectable union avec son bien-aimé, il a été absolument nécessaire que l'âme se revêtît de ce déguisement. Aussi est-ce pour elle une bonne fortune que d'avoir pu rencontrer le Seigneur, et d'avoir persévéré jusqu'au bout dans la poursuite de ses désirs, comme elle se hâte de le proclamer dans le vers suivant. Chapitre 22. Explication du troisième vers de la seconde strophe. Ô heureuse fortune. Il est évident que ce dut être une heureuse fortune pour l'âme, de voir enfin le succès d'une entreprise qui la mettait à l'abri des attaques du démon, du monde et de sa propre sensualité, et l'établissait dans cette précieuse liberté de l'esprit, qui est un bien si envié de tous. Elle sortit alors joyeuse des régions inférieures pour s'élever en haut, devenue toute céleste et divine, de terrestre et d'humaine qu'elle était auparavant. Sa conversation est toute dans le ciel, comme il arrive à ceux qui sont dans cet état de perfection, ainsi que je l'expliquerai bientôt. Je l'ai dit en commençant ce traité, mon but principal est d'instruire un grand nombre d'âmes qui ne comprennent rien à cette nuit obscure, qu'elles sont cependant appelées à traverser. Je crois l'avoir fait, imparfaitement sans doute, mais suffisamment néanmoins pour qu'elle puisse désormais se faire une idée assez exacte des grâces que cette bienheureuse nuit procure aux âmes, et de l'immense avantage qu'il y a pour elles à passer par ces épreuves, en sorte que, loin d'être épouvantées à l'heure de l'amertume et de l'angoisse, elles seront encouragées par l'espérance certaine des dons inappréciables, qui en découlent avec abondance. Nous allons voir maintenant, par le vers suivant, que l'âme a encore un nouveau motif de se dire heureuse. Chapitre 23. Exposition du quatrième vers, de l'admirable et mystérieuse retraite qui est offerte à l'âme en cette nuit, de l'impossibilité pour le démon de pénétrer en ce lieu, bien qu'il entre dans beaucoup d'autres endroits cachés, dans l'obscurité et en cachette. Ces mots, en cachette, signifie en secret, ou à l'abri de tout regard, en disant, je sortis dans l'obscurité et en cachette. L'âme a dessein de faire mieux comprendre la complète sécurité de laquelle il est question dans le premier vers de cette strophe, et dont elle garde le sentiment dans ce chemin de l'union d'amour, grâce à la contemplation obscure. L'âme veut encore nous apprendre que sa marche au milieu des ténèbres l'a dérobée au regard du démon, et l'a mise à couvert de ses ruses et de ses embûches. Or, pourquoi l'âme jouit-elle d'une si grande liberté dans l'obscurité de cette contemplation, loin des atteintes de l'ennemi du genre humain? En voici la raison. c'est que la contemplation infuse se répand secrètement et passivement en elle, tout à fait à l'insu des sens, et des puissances, tant extérieures qu'intérieures, de la partie sensitive, par conséquent, non seulement l'âme est délivrée des obstacles, que la faiblesse de ses facultés naturelles pourrait lui susciter, mais encore elle échappe à la rage pleine d'envie du démon, qui ne peut connaître ce qui se passe dans le fort intérieur de l'âme, qu'au moyen des puissances de cette partie sensitive, aussi plus la communication est spirituelle, intime et étrangère au sens, moins le démon peut l'atteindre et la saisir. Il importe donc beaucoup, pour la sécurité de l'âme, que les opérations surnaturelles se passent complètement en dehors des sens de la partie inférieure, et soient ignorées d'eux. D'abord la communication spirituelle se répandra avec surabondance, la faiblesse de la partie sensitive n'entravera plus la liberté de l'esprit, alors l'âme s'avancera sûrement, parce que le démon ne pourra pas pénétrer jusque-là. Nous pouvons rapporter à ce sujet, dans un sens spirituel, cette parole du Sauveur, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, Matthieu 6, 3. En d'autres termes, ce qui se passe à votre droite, dans la partie supérieure et spirituelle, doit rester ignoré de votre gauche, c'est-à-dire de la partie inférieure ou sensitive, et tout doit demeurer secret entre l'esprit et Dieu. À la vérité, le démon ne peut pénétrer directement la sublimité des communications spirituelles, intérieure et secrète, qui existe dans l'âme. Néanmoins il reconnaît et conjecture, au grand calme et au profond silence que plusieurs d'entre elles établissent dans les sens et dans les puissances de la partie inférieure, que ces communications ont lieu, et qu'elles remplissent l'âme de précieux dons. Alors, voyant qu'il ne peut arriver à les combattre dans le fond intime de l'âme, il fait tous ses efforts pour agiter et troubler par des malaises, des craintes et des frayeurs, la partie sensitive, où il a un libre accès, afin de jeter ainsi la partie supérieure et spirituelle dans l'angoisse et dans l'inquiétude à l'égard des biens dont l'âme a le bonheur de jouir. Toutefois, quand cette effusion de la contemplation est concentrée tout entière dans l'esprit, et qu'elle y exerce uniquement son action, les artifices du démon pour l'entraver deviennent inutiles, et tournent même au profit de l'âme, en lui occasionnant une abondance d'amour et une paix plus profonde, chose admirable en effet desquelles s'aperçoit de la présence du perturbateur, l'âme se retire instinctivement au-dedans d'elle-même, certaine d'y trouver un refuge plus éloigné de son ennemi, qui la dérobe à ses regards. Ainsi la paix et la joie que le démon prétendait lui enlever, prennent un nouvel accroissement. Toutes ces vaines tentations de trouble ne peuvent franchir les limites extérieures, l'âme le sent parfaitement, aussi se réjouit-elle de posséder dans son secret asile, cette paix tranquille et savoureuse de l'époux, que ni le démon, ni le monde ne peuvent procurer ou enlever. Elle reconnaît la vérité de ce que dit à ce sujet l'épouse des Cantiques. Le lit de Salomon est environné de 60 guerriers, afin d'éloigner les frayeurs de la nuit. Cantiques 3, 7, 8. Sa chair et ses os peuvent être soumis encore à des tortures inouïes, mais sa force et sa paix demeurent inébranlables. Lorsque les sens participent à cette communication spirituelle, le démon parvient plus facilement à troubler l'esprit et à l'agiter de terreur. Ce sont alors de si grandes souffrances, de telles peines dans l'âme, qu'elles dépassent toute expression, comme la lutte s'engage d'esprit à esprit, l'horreur que le mauvais inspire au bon, c'est-à-dire à l'âme qu'il tourmente, est insupportable. L'épouse le donne fort bien à entendre, quand elle raconte ce qui lui arriva, au moment où elle voulut entrer dans le recueillement intérieur pour jouir de ses délices. « Je suis descendue, dit-elle, dans le jardin des noyers, pour voir les fruits des vallées. et regardé si la vigne avait fleuri, mais je n'ai pas pu savoir, mon âme a été toute troublée en moi par les chariots d'Aminadab. Cantique 6, 10, 11, qui n'est autre que le démon. Cette hostilité du démon se manifeste parfois lorsque Dieu se sert de l'entremise du bon ange pour gratifier l'âme de ses faveurs. Par une permission d'en haut, l'ennemi peut s'en apercevoir, Dieu le voulant ainsi et l'autorisant à user de son pouvoir contre l'âme, afin qu'il ne puisse pas prétendre qu'on ne lui donne pas lieu de l'exercer et qu'on lui refuse l'occasion de combattre l'âme et d'en triompher, comme il s'en plaignait au sujet de Job, Job 1, 9,7 avec justice que Dieu donne aux deux adversaires, le bon et le mauvais ange, des armes égales, afin que la victoire de l'âme soit méritoire, et que sa fidélité, victorieuse de la tentation, soit plus largement récompensée. Telle est la cause pour laquelle Dieu se conduit ordinairement ainsi envers l'âme, dans ces circonstances, et donne pouvoir au malin esprit de l'inquiéter et de la tenter, par exemple, si, par l'intermédiaire du bon ange, l'âme est favorisée de véritables visions, Dieu permet également au mauvais ange de lui en susciter de fausses qui ressemblent aux premières, d'après leur apparence, une âme imprudente peut être facilement égarée, ainsi qu'il arrive, en effet. Pour un grand nombre, nous en avons une preuve très frappante dans l'Exode, 7, 20, 22, 8, 6, 7, où il est dit que tous les miracles opérés par Moïse furent représentés par les magiciens de Pharaon. Faisaient-ils venir des grenouilles? Ils en produisaient aussi. Changeaient-ils l'eau en sang? Ils renouvelaient le prodige, etc. Non seulement le démon imite ce genre de vision corporelle, mais encore il s'immisce dans les communications spirituelles, qui ont lieu par l'entremise du bon ange, il peut les apercevoir, car, selon la parole de Job, 41, 25, il voit tout ce qu'il y a de grand et de sublime, il se glisse partout et imite ces choses comme il peut. Mais comme c'est le propre de l'esprit de n'avoir ni forme, ni figure, l'ange de ténèbres ne peut imiter ni contrefaire les communications purement spirituelles aussi facilement que les autres, qui sont représentées sous des formes ou des figures sensibles. Il saisit le moment où le bon ange s'apprête à communiquer à l'âme la contemplation spirituelle, pour lui inspirer des terreurs et répandre le trouble dans son esprit. L'âme peut quelquefois s'en délivrer assez promptement. Ses frayeurs ne lui font aucune impression, et elle parvient à se recueillir en elle-même avec l'aide de son bon ange qui la soutient. D'autres fois Dieu permet que ce trouble et ses frayeurs se prolongent davantage. La souffrance devient alors si intense qu'aucun tourment de cette vie ne peut lui être comparé, et que son seul souvenir est un vrai supplice. Tout ce que nous venons de dire s'opère sans que l'âme y prenne une part active. Elle ne fait rien pour attirer ou repousser ses représentations et ses sentiments qui lui sont étrangers, mais qu'on ne l'ignore pas, si Dieu permet au démon de l'obséder ainsi par des terreurs spirituelles. C'est afin de la purifier et de la disposer par cette laborieuse préparation à une grande joie, et aux nouvelles faveurs qu'il veut lui communiquer. Le Seigneur ne mortifie jamais que pour vivifier, il n'humilie que pour exalter, c'est ce que l'âme éprouve bientôt, après avoir supporté l'épreuve de la purification ténébreuse, elle entre, en proportion de sa souffrance, dans une savoureuse contemplation spirituelle dont la sublimité atteint parfois un tel degré, que le langage humain est impuissant à l'exprimer. Tout ce qui précède se doit entendre des communications que Dieu fait à l'âme par le ministère de son bon ange, mais, comme on l'a vu, sa retraite n'est pas alors si secrète et si obscure que l'âme y soit en complète sûreté, et entièrement à l'abri des regards scrutateurs de l'ennemi, Le verbe dont nous développons ici le sens trouve une plus juste application si c'est Dieu lui-même qui visite l'âme, car les faveurs spirituelles qu'elle reçoit sont complètement cachées dans une obscurité inaccessible aux démons. Comme Dieu est le souverain maître des cœurs, il demeure substantiellement dans ce sanctuaire où aucun esprit, bon ou mauvais, ne peut entrer pour connaître ce qui s'y passe, et pénétrer le secret de ses communications intimes. Elles sont divines et souveraines, puisque le Seigneur lui-même en est l'auteur. Aussi peu, on les compare à une sorte d'attouchement substantiel qui opère l'union de l'âme avec Dieu. Il en est qui engendre le plus sublime degré de raison, et procure à l'âme le plus grand bien, être qu'elle ait jamais ressenti. Ce sont ces attouchements que l'âme sollicite dans le Cantique des Cantiques en disant, qu'il me donne un baiser de sa bouche, Cantique 1:1. Les rapports qui sont établis alors avec Dieu sont si intimes, et l'âme les souhaite avec une telle anxiété, qu'elle estime ces divines touches préférables à toutes les autres faveurs qu'il peut lui faire. C'est pourquoi l'épouse, après avoir chanté les grâces nombreuses dont elle a été l'objet, ne se trouvant pas encore rassasiée, demande avec ardeur ces attouchements divins, qui me donnera, ô mon frère, dit-elle, de vous trouver sur le sein de ma mère, de vous rencontrer seul dehors et de vous donner un baiser afin qu'à l'avenir personne ne me méprise plus. Cantique 8:1. Elle exprime par là son désir de se voir seul à seul avec Dieu, et de ne communiquer avec lui qu'à l'écart et à l'insu de toutes les créatures. C'est là ce que signifient ces mots, seul, dehors, lorsqu'avec une entière liberté d'esprit, l'âme jouit de ses biens spirituels, elle les savoure dans une paix intime, sans ressentir aucune opposition du côté de la partie sensitive, et sans que le démon puisse se servir de celle-ci pour inquiéter l'âme. Dans ce cas, il n'ose en aucune manière l'attaquer, il n'y réussirait pas, du reste, puisqu'il ne peut rien comprendre à ces divins attouchements qui ont lieu de la substance de l'âme à la substance de Dieu. Dans le commerce d'une intime connaissance amoureuse, personne ne peut prétendre à ce bonheur sans avoir passé par une purification complète, par la nudité de l'esprit et avant de s'être enfoncé dans l'obscure retraite inaccessible à toute créature. C'est dans l'obscurité de cette bienheureuse cachette que l'âme consomme son union d'amour avec Dieu. Aussi a-t-elle raison d'aimer à redire, dans l'obscurité et en cachette, lorsque ses faveurs s'accordent totalement en secret, c'est-à-dire à l'esprit seulement. Il arrive quelquefois que l'âme, au moment où ces choses se passent, se voit, sans saisir le mystère, si élevé au-dessus de sa partie inférieure, qu'elle constate dans son intérieur comme deux êtres distincts, dont l'un semble n'avoir rien de commun avec l'autre, tant ils sont séparés par une incommensurable distance, et jusqu'à un certain point ceci est exact, car le mode d'opération actuel de l'âme étant plus divin qu'humain, la partie sensitive y est complètement étrangère. L'âme est donc entièrement spiritualisée, ses passions et ses appétits spirituels s'éteignent, et n'arrivent plus à ces hauteurs où l'âme se retire dans le secret de la contemplation unitive. Après avoir ainsi parlé de ce qu'elle éprouve dans sa partie supérieure, l'âme passe au vers suivant. Chapitre 24. Fin de l'explication de la seconde strophe. Alors que ma demeure était pacifiée, l'âme semble dire, je suis sorti à la recherche de l'amour, pour acquérir ce bien de l'union divine, pendant que les parties supérieures et inférieures de moi-même s'apaisaient dans le calme de leur puissance et de leurs appétits. La lutte et la purification de l'âme au milieu de la nuit obscure ont lieu d'une double manière, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire qu'elles ont pour théâtre les sens, les facultés et les passions de la partie sensitive et de la partie spirituelle. C'est donc un double repos, une double paix que l'âme obtient, en ce qui regarde chacune de ces deux parties, par rapport à leur puissance et à leurs appétits, elles répètent deux fois le même vers, à cause de cette double faculté sensitive et spirituelle qu'il lui a fallu réformer, ordonner et régler, chacune dans sa sphère respective, avant d'arriver à la parfaite union d'amour. L'âme se voit ainsi rétablie dans l'harmonieux état d'innocence où était Adam, sans parvenir toutefois à être complètement délivrée des tentations de la partie inférieure, le vers qui dans la première strophe a été appliqué à la pacification de la partie inférieure et sensitive, se doit donc entendre particulièrement, dans celle-ci, du calme de la partie supérieure et spirituelle. Tel est le motif de cette répétition. Autant que le permet la condition de la vie présente, l'âme peut arriver à conserver sa demeure spirituelle dans cet état permanent de parfait repos, par le moyen des actes d'union divine en quelque sorte substantielle, dont nous venons de parler. Dieu les produit en elle d'une manière mystérieuse et cachée, sans que le démon, le monde ou les passions y puissent venir semer le trouble, ainsi purifiée, établie et affermie dans la paix. Elle a la stabilité qui lui permet de goûter constamment cette union durable, qui est comme le mariage divin de l'âme avec le Fils de Dieu. À peine ces deux demeures de l'âme sont-elles apaisées et fortement concentrées en un seul point, avec toute leur dépendance, c'est-à-dire avec leurs facultés et leurs passions endormies et silencieuses pour toutes les choses d'en bas ou d'en haut, qu'aussitôt la sagesse divine s'unit à l'âme et en prend possession, en resserrant les nœuds sacrés de l'amour. Alors se réalise cette parole, lorsque tout reposait dans un paisible silence, et que la nuit était au milieu de sa course, votre parole toute puissante est descendue du ciel et de son trône royal, comme un guerrier invincible qui se jette au milieu de la mêlée. SAP 18, 14, 15, l'épouse des cantiques exprime la même pensée, quand elle dit qu'après avoir rencontré les soldats qui montent la garde autour de la ville, qui l'ont blessé et lui ont enlevé son manteau, elle a enfin trouvé celui que son cœur aime. Cantique 5, 7, Ibidem 3, 4. Sans une grande pureté, impossible de prétendre à une semblable union. Or, cette pureté ne s'obtient qu'au prix d'un dépouillement absolu de tout le créé, et d'une sévère mortification, que figure l'enlèvement du manteau de l'épouse, et les blessures qu'elle a reçues au milieu de la nuit dans sa course à la recherche de l'époux. Elle ne pouvait pas être revêtue du manteau nuptial, l'unique objet de ses désirs. Avant d'avoir rejeté au loin ses anciens vêtements, quiconque refusera de sortir pendant la nuit à la recherche du bien-aimé, quiconque ne consentira pas à se mortifier et à renoncer à sa volonté propre, mais prétendra imiter l'épouse en le cherchant commodément dans son lit, ne parviendra jamais à le rencontrer, car cette âme dit ne l'avoir trouvé qu'au prix des angoisses de l'amour et en sortant dans les ténèbres. Chapitre 25. Exposition rapide de la troisième strophe. À la faveur de cette heureuse nuit, personne ne me voyait, et moi je ne regardais rien, je n'avais ni guide ni lumière, excepté celle qui brillait dans mon cœur. L'âme continuant à employer la métaphore de la nuit naturelle, pour expliquer ce qui a lieu, dans la nuit spirituelle, continue son cantique et exalte ici trois merveilleuses propriétés de cette nuit. À la faveur de ces ténèbres, elle a trouvé le moyen de parvenir vite et sûrement à l'accomplissement de son dessein. Premièrement, elle dit que, dans cette bienheureuse nuit de contemplation, Dieu la conduit par une voie si solitaire, si secrète, si dégagée, si éloignée des sens et de tout ce qui leur appartient, que rien de créé ne saurait l'atteindre, ni lui inspirer un attrait qui la détournerait ou l'arrêterait dans ce chemin de l'union d'amour. La seconde propriété dont il est question découle des ténèbres même de cette nuit spirituelle, où toutes les puissances de la partie supérieure sont plongées dans l'obscurité. Il en résulte que l'âme, réduite à l'impossibilité de porter ses regards sur aucune chose, les fixant Dieu seul, ne s'arrêtant à rien en dehors de lui, désormais elle est affranchie de tous les obstacles que les formes, les figures, les idées des choses naturelles apportent d'ordinaire à l'union constante de l'âme avec Dieu. La troisième propriété est que sans avoir le secours de la lumière intérieure particulière à l'entendement, ni l'appui extérieur d'aucun guide qui la soutienne dans ses sentiers élevés, privée qu'elle est de toute chose par les épaisses ténèbres qui l'environnent, l'âme est forte néanmoins de la foi et de l'amour qui l'embrase, et qui la sollicite de livrer son cœur au bien-aimé. Elle marche sous la conduite de ses seuls guides, et sans savoir comment elle vole à Dieu en suivant ses chemins solitaires. Fin de la nuit obscure.